inconnu, Louis Payen. Quand il eut perdu sa femme, qui mourut des suites de couches, Pierre Landier devint comme fou. C'était un bon ouvrier de la terre, mais qui avait toujours été un peu aventureux. La tête chaude, aimant changer de patron et avoir du pays. La jeunette l'avait fait languir assez longtemps, car elle était réservée autant que jolie, et ne manquait pas de prétendants. Orpheline, elle avait une dot qui en vaut bien d'autres, son activité au travail. Depuis son mariage, Pierre s'était complètement assagi. Pas une fois, on ne l'avait vu au cabaret du village, pas une fois, il n'avait eu des mots avec ses compagnons, et n'avait plus manifesté l'intention d'aller se louer ailleurs. Son unique année de mariage avait passé comme un grand jour de bonheur. La mort de la jeune femme bouleversa tout l'avenir. On vit Pierre s'abîmer dans sa douleur, comme un naufragé impuissant à saisir une épave. Il ne voulait plus travailler. Il errait le long des routes ou restait assis de longues heures sur un talus, cachant dans ses mains sa pauvre figure ravagée. Et surtout, il avait pris en horreur la petite Jacqueline, dont la naissance avait coûté la vie à sa mère. Il la rendait responsable de son malheur. Une voisine compatissante, Marie Perrer, qui depuis un mois nourrissait elle-même une fillette, avait recueilli Jacqueline et lui donnait le sein. Mais Pierre refusait obstinément de voir sa fille. Il avait des yeux tragiques quand il en parlait, et les vieilles gens qui le voyaient passer hochaient la tête en le suivant du regard et murmuraient « Pour sûr, sa douleur est trop grande pour lui. Elle lui jouera quelque mauvais tour. » On apprit un beau matin que Pierre était parti. Il avait décidé de fuir ce pays qui lui rappelait trop vivement son bonheur perdu. Marie Perrer avait promis de prendre soin de Jacqueline tant qu'il serait absent, et chacun trouva qu'il avait bien agi, car rien n'est meilleur que le changement d'air pour calmer la douleur. On pensait qu'il reviendrait au bout de quelques mois, sinon guéri, du moins plus calme et mieux en état de supporter sa peine. Mais 10 ans avaient passé et Landier n'avait jamais reparu. Au début, il avait encore donné de ses nouvelles, rarement, car les pauvres gens n'écrivent pas volontiers, et chaque fois il disait qu'il allait plus loin, en demandant pardon à Marie, de lui laisser la petite. Peu à peu, les lettres s'étaient espacées, avaient enfin cessé tout à fait, et nul au village ne songeait plus à Landier. C'est par un soir d'automne, triste et doux, qu'on put voir un inconnu arriver lentement par la route poudreuse et s'arrêter un moment à l'entrée du bourg. Les cheveux mal peignés, avec une barbe roussâtre qui lui mangeait la figure, habillé d'un vêtement de velours aux teintes délavées, coiffé d'une casquette crasseuse, un bissac suspendu à l'épaule, il écartait avec un bâton noueux les chiens qui hurlaient rageusement après lui. Il devait sûrement avoir déjà vu le pays, car il souriait en regardant le village comme lorsqu'on retrouve une vieille connaissance et il demandait à un enfant qui passait. « La maison de Madame Perrer, c'est bien toujours la troisième à main droite. » Mais le gosse, avec un regard méfiant, se mit à courir sans répondre. Alors le cheminot avança vers la demeure qu'il avait désignée et heurta la porte du bout de son bâton. « Madame Perrer, c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez ?»« C'était pour vous donner des nouvelles d'un que vous avez connu, Pierre Landier. » Pierre Landier ? C'est-il Dieu possible ? Pierre Landier ? Entrez, puisqu'on venait de sa part. Elle lui livra passage. Il vit l'intérieur modeste et propre, bien ordonné. La ménagère accorte et il soupira en s'asseyant. Pour sûr, on a été des copains, Landier et moi. On a trimardé bien souvent ensemble. Alors, comme je devais passer par chez lui, j'ai voulu prendre des nouvelles de la petite. Jacqueline, vous savez, il ne va pas au moins vouloir me l'enlever. C'est que je l'aime, comme si elle était ma fille, ma vraie fille. Quelques mois après que Landier fut parti, je perdis ma petite à moi. Alors je me mis à aimer l'autre comme celle qui était morte, et je l'ai élevée. J'ai jamais pu écrire ça à Landier, puisque jamais il m'a donné son adresse. Hein ? Il restait interdit, gêné, honteux. La femme continua avec toute la véhémence de sa tendresse. Et puis, si vous le voyez, vous pouvez lui dire qu'il ne faut pas me l'enlever. Elle est à moi à présent. Ça serait trop commode de ne pas s'en soucier pendant 10 ans et puis de venir tout à coup me dire « je la reprends ». Pendant qu'elle parlait, il avait regardé cet intérieur chaud et paisible. Il s'était regardé lui-même, si chargé de misère, et il soupira. « Rassurez-vous, Landier vous l'apprendra pas, votre Jacqueline. D'abord, il est mort. Il est mort ? Elle le regardait, saisie, silencieuse tout à coup. Oui, voici quelques mois. Sur les derniers temps, il me parlait souvent de sa petite. Il aurait voulu la revoir. Peut-être qu'il songeait à la reprendre. Mais il aurait bien compris, s'il était revenu, qu'il n'aurait pas pu vous l'enlever. Alors, avant de mourir, il m'a donné une petite chose pour elle et m'a fait promettre de la lui remettre quand je passerai par ici. Du fond de son sac, il tirait un paquet qu'il déplia soigneusement et en sortit une modeste bague que Marie se souvint d'avoir vue autrefois au doigt de Jeannette. Elle appela « Jacqueline ». Du jardin, une voix d'enfant répondit et la petite entra, vive et légère. Le cheminot s'est élevé, ses mains tremblaient. Vous me permettrez de l'embrasser en souvenir de l'autre ? Bien sûr. Jacqueline, fais un baiser à ce brave homme qui t'apporte une jolie bague. Il glissa doucement le bijou au doigt enfantin, serra la petite si fort dans ses bras qu'elle en devint toute rose, et partit ensuite en grand hâte sans vouloir rien accepter. Et tandis que Jacqueline lui demandait « Maman, qui est cet homme qui m'a serré si fort ?» et qu'elle répondait « Je ne sais pas. » Marie resta un long moment immobile sur son seuil à regarder cet inconnu qui s'éloignait d'une marche si lasse et qui ne fut bientôt plus qu'un point sombre perdu dans les brumes du soir. C'était L'Inconnu par Louis Payen.